Comment diriez-vous il vient bientôt? Er kommen. Kommen, ça se dirait pour... Ah oui, er kommt. Ah, là, d'accord. Er kommt. Je ne me souviens plus de bientôt. Oh, bientôt Balte. Bald. Er kommt bald. kommt bald. Encore une fois, il vient bientôt. Er kommt bald. Kommt bald. Si on veut insister sur le mouvement, sur le fait que la personne vienne ici, on peut aussi dire kommt bald her. Le ici de venir ici, c'est her. Kommt bald her. Comment diriez-vous il me l'apporte? Bringt. Bien. Bringt. Oui, il faut qu'on entende bien le t. Bringt. Donc, il me l'apporte, c'est-à-dire il apporte cela à moi. Cela se dit S. S, oui. Me dans le sens de à moi. Mir. Bien. Bringt es mir. Bringt es mir. Oui. Il vous l'apportera demain. Bringt. Bringt. Mm-hmm. Es Ihnen morgen. Bien. Bringt es Ihnen morgen. Vous avez choisi d'utiliser le présent pour exprimer une action future, ce qui est correct en allemand. Bringt es Ihnen morgen, c'est « il vous l'apporte demain ». Mais comment direz-vous « il vous l'apportera demain »?« Il va vous l'apporter » avec le futur. Wird. Mm-hmm. Wird. Es Ihnen morgen bringt. Le second verbe va effectivement à la fin de la phrase, mais il doit être à l'infinitif, donc à la forme que l'on trouve dans le dictionnaire. Ah oui. Alors, c'est bringen. Bringen, oui. Encore une fois, il vous l'apportera demain, il va vous l'apporter demain. Wird. Es. Es. Ihnen. Oui. Wird es Ihnen. Wird es Ihnen bringen? Non, morgen bringen. Wird es Ihnen morgen bringen. Encore une fois? Wird es Ihnen morgen bringen. Wird es Ihnen morgen bringen. Quand me l'apporterez-vous? Wann? Wann werden Sie es mir bringen? Bien. Wann werden Sie es mir bringen? Quand me l'apporterez-vous? Et maintenant, voulez-vous me l'apporter demain? Wollen Sie mm-hmm. es mir morgen bringen? C'est ça. Wollen Sie es mir morgen bringen? Comment diriez-vous « Où voulez-vous me l'apporter demain ?» Où, ici, se dit « Wohin ?»« Wohin ?» puisque le fait d'apporter implique un mouvement. Alors, « Où voulez-vous me l'apporter demain ?»« Wohin wollen Sie es mir morgen bringen ?»« mm-hmm. Wohin wollen Sie es mir morgen bringen ?» Et où me l'apporterez-vous demain? Wohin werden Sie? Wohin werden Sie? Wohin werden Sie es mir morgen bringen? Bien. Wohin werden Sie es mir morgen bringen? Après werden et wollen, le second verbe est rejeté en fin de phrase et mis à l'infinitif.